Lettre 44e. Suite de la lettre d'Evelina. Holborn, 13 juin. Hier, les Brunton ont tous dîné ici. La conversation roula en grande partie sur l'aventure que je vous ai rapportée. Monsieur Brunton exprima ses sentiments à l'égard du malheureux qui en fut l'objet, dans des termes qui méritent d'être cités. Voici sa harangue mot à mot. Vous la trouverez marquée au coin de l'humanité la plus désintéressée. « Ma première idée, dit-il, était de mettre incessamment mon locataire à la porte, car si malheureusement il s'avisait de se tuer dans ma maison, il m'en résulterait un embarras infini. D'un autre côté, si je le laisse aller, je risque de perdre ce qu'il me doit. Au lieu que s'il meurt dans ma maison, j'ai un droit exclusif sur sa succession, et j'aurai du moins de quoi me payer. J'avais déjà pensé précédemment de l'envoyer en prison, mais qu'y aurais-je gagné ? Il ne sait rien faire et le peu de travail auquel on pourrait l'employer n'aurait pas de quoi quitter ma prétention. J'ai donc cru devoir recourir à la voie de la douceur et je lui ai déclaré positivement l'autre jour qu'il me fallait mon argent sur l'heure. Il me renvoya à la semaine prochaine, mais je lui ai donné à entendre que je n'étais pas homme à me laisser leurrer. Alors il me remit une bague qui, j'en suis sûr, vaut 10 guinées entre frères. Il me dit que pour tout au monde, il ne voudrait pas s'en défaire. Mais je me moque de ces balivernes et je compte bien garder le bijou jusqu'à ce que je sois satisfait. Qui sait d'ailleurs, ajouta la cadette de Brunton, comment cette bague lui est venue? Sans doute, mais n'importe, je pourrai toujours légitimer ma propriété. Quel principe, mon cher monsieur, quelle façon de penser, et je dois vivre avec ces gens-là, mais écoutez la suite, s'il vous plaît. Monsieur Brunton, fils, n'oublia pas d'ajouter son avis. Je lui promets bien, dit-il, qu'à la première occasion, je lui ferai boire un affront des plus sanglants. Ah, si j'avais su que cet homme n'était qu'un gueux, comme je lui aurais rabattu les grands airs qu'il s'est donnés en arrivant. « Et quels airs ? » demanda Madame Duval. « Vous n'avez pas d'idée, ma tante, des querelles que j'ai eues avec lui. Un jour, entre autres, je lui dis, je ne me rappelle plus à quel propos, que peut-être il n'avait jamais eu ci-devant une aussi bonne table que la nôtre. À cette seule parole, voilà-t-il pas qu'il se met dans une colère de posséder ? Heureusement, je n'y fis pas grande attention, mais à l'avenir, je serai bien obligé à filer plus doux. Oui, reprit Miss Polly, mais il a bien changé depuis quelques jours. Il ne se sauve plus, il ne se cache plus, il est d'une honnêteté charmante. On le voit toujours dans la boutique, il monte et descend à tout moment, il guette tous ceux qui entrent chez nous. Vous voyez bien ce qu'il cherche, répondit M. Brunton, c'est à Miss qu'il en veut. Ah, parbleu, ajouta le fils. Cela serait plaisant s'il était devenu amoureux de ma cousine. Fi donc, repartit Miss Brunton, la conquête d'un mendiant, j'en aurais honte pour elle. Tel fut cet entretien, auquel je n'ai pas pris grande part, comme vous voyez. L'arrivée de M. Smith donna une tournure différente à la conversation. Miss Brunton me pria d'observer avec quel air dégagé M. Smith se présentait, et elle me demanda si je ne lui trouvais pas la mine d'un homme de distinction. Il jugea à propos de nous interrompre. « Venez, mesdemoiselles, que je vous sépare. Je ne souffre nulle part de femmes l'une à côté de l'autre. » Et en même temps, il fit passer poliment Miss Brunton sur une autre chaise et il s'assit entre elle et moi. « Monsieur Smith, n'est-il pas vrai, mesdames, que vous voilà mieux placées que tantôt et ne trouvez-vous pas que mon arrangement est très bien imaginé ?»« Miss Brunton, je n'ai rien à redire, pourvu que ma cousine en soit contente. » »« Monsieur Smith, oh !» Je me pique toujours d'étudier le goût du sexe. C'est le premier de mes soins. Et d'ailleurs, pouvais-je être de trop ici? Deux femmes, qu'aurait-elle à se dire? Le jeune Brunton. À se dire, parbleu, vous n'y pensez pas. Comme si les femmes pouvaient manquer de matière à jaser. En avez-vous jamais vu qu'ils soient chiches de parole? Monsieur Smith. Point de ces sorties, monsieur Tom, en ma présence. Vous savez que je ne les aime pas et que je suis le champion du sexe. Miss Brunton, m'ayant offert ensuite quelques gâteaux, ce galant homme s'avisa de me dire qu'à ma place, il n'accepterait jamais rien des mains d'une femme. Je lui en demandai la raison. « Parce que je craindrais d'être empoisonné par quelque rival de ma beauté. Je croyais, monsieur, que vous n'aimiez pas les sorties. Vous avez raison, madame, ce mot m'est échappé malgré moi. On ne réfléchit pas toujours à ce qu'on dit. » Après cela, on se jeta sur les endroits publics et sur les spectacles. Le jeune Brunton me demanda si j'avais vu la salle de George à Hampstead. Je lui répondis que je n'en avais jamais entendu parler. Le jeune Brunton. Tant mieux, Miss, c'est un plaisir de plus qui vous attend, et je vous promets que vous en aurez. Nous irons voir cela un de ces dimanches, et moi je prétends régaler. Mais c'est à condition que mes sœurs ne vous préviennent sur rien. Je veux vous ménager une surprise, et puisque c'est moi qui paye, je crois qu'il m'est permis aussi de faire les conditions. Monsieur Smith. Mais y pensez-vous, monsieur Tom? Voudriez-vous conduire mademoiselle dans un endroit qui n'est fait que pour les gens du peuple? Si c'était encore chez Don Saltero à Chelsea, passe pour cela. Connaissez-vous, Miss, ce spectacle? Non, monsieur. Monsieur Smith. J'aurai donc le plaisir de vous y accompagner. Vous y trouverez du beau monde, j'en suis sûr, sans quoi je me garderai bien de vous proposer la partie. Monsieur Branton, père. Avez-vous vu, cousine, les jets d'eau de Sadler? Non, monsieur. Monsieur Branton, père. Vous n'avez donc rien vu? La jeune Branton. Et que dites-vous de la tour de Londres? Je ne l'ai jamais vue. Le jeune Branton. Comment? Jour de Dieu, vous n'avez pas vu la tour? Vous n'y êtes jamais monté? Non, assurément. Le jeune Branton. Eh bien, il valait tout autant ne pas venir à Londres. Miss Polly. Vous n'avez donc peut-être pas été non plus au dôme de l'église de Saint-Paul? Tout aussi peu. Monsieur Smith. Mais du moins j'espère au Vauxhall et à Marybone. Non plus, monsieur. Monsieur Smith. Non, Dieu me pardonne, vous me surprenez. Le Vauxhall est le premier de tous les plaisirs. Je ne connais rien qui soit comparable. Il faut que vous ayez vécu dans une singulière société à Londres. N'avoir pas vu le Vauxhall, c'est n'avoir rien vu de la ville. En attendant, c'est à nous à vous venger et à prendre meilleur soin de vos amusements. Pendant le cours de ce catéchisme, on nomma encore plusieurs autres spectacles dont je n'ai pas retenu les noms. Mais je répondais à chaque question par une négative et mon ignorance désespéra beaucoup ces messieurs. « Ah ça !» reprit M. Smith. Quand on eut desservi le thé, « Commençons par montrer à mademoiselle la différence qu'il y a de vivre avec des gens qui aiment à se divertir. Vive la joie! Où irons-nous, par exemple, ce soir? Quant à moi, je proposerai le théâtre de foot. Mais c'est aux dames à choisir, je n'ai d'autre volonté que la leur. » Miss Branton. « Il faut convenir que M. Smith est toujours d'une humeur charmante. » M. Smith. « Et sans doute, j'aime à être de bonne humeur et rien ne m'en empêche. Je suis sans souci, sans femme. » Excusez-moi, mademoiselle, cette idée me fait rire. Personne n'ayant envie de contredire le projet de M. Smith, ni de répondre à sa saillie, nous allâmes à Haymarket, où je vis représenter la pupille et le commissaire, qui me divertirent beaucoup. Au sortir du spectacle, tout le monde est venu souper ici.